costume, on dirait une mariée. Voici la jolie colombe, avec son brin d'olivier. Enfant de ces mondes, oubliez vos fondes, vous risquez de me blesser. Je suis la jolie colombe, je voudrais bien me poser. On apprend bien trop tôt à faire la guerre à tous les oiseaux, à salir la terre, le ciel et l'eau, à détruire ce qui est beau. On s'habitue ainsi à penser que tout nous est permis et à ne plus respecter la vie, pourtant qu'elle est jolie. Deux ailes, trois plumes dans mon blanc costume, on dirait une mariée. Je suis la colombe, la jolie colombe, il faudra m'apprivoiser. Pour les grands du monde, pour quelques secondes, laissez-lui sa liberté. Voici la colombe, la jolie colombe, qui a peur de se poser. On l'a tellement chassée dans tous les pays du monde entier, tant de fois, tant de milliers d'années, qu'elle ne sait plus où aller. Si l'on ouvrait son cœur, si l'on savait donner le meilleur, il ne serait pas loin le bonheur. Elle n'aurait plus peur de ses trois plumes dans son blanc costume, on dirait qu'elle est mariée. Voici la colombe, la jolie colombe, avec son brin d'olivier. Vous tous dans ce monde qui gronde, avec moi si vous voulez. La jolie colombe, dans le soir qui tombe, nous allons la priver. Colombe, la jolie colombe, avec son brin d'olivier. Enfant de ce monde, oubliez vos fondes, vous risquez de la blesser. Voici la colombe, la jolie colombe, qui voudrait bien se poser. Deux ailes et trois plumes dans son blanc costume, on dirait une mariée. Colombe, la jolie colombe, avec son brin d'olivier.